je ne suis ni un conférencier ni un orateur, mais on parle plutôt à bâton rompu quand on chante. Et d'autre part, j'aurais d'un regret, c'est que le livre, l'exemplaire que j'ai déposé, est arrivé un peu tard ici au CIRA, ce qui fait que peu de copains ont pu en prendre connaissance. Et d'autre part, s'il est arrivé un peu tard, je crois que c'est parce que René n'a pas répondu immédiatement à mon invitation à rencontre. Alors, il y a deux regrets qui au fond, sont rejoignent le folklore. Alors maintenant, nous allons aborder cette histoire de folklore, l'anarchisme et le folklore. Pour beaucoup, évidemment, ça paraît absolument inconsciable, on se demande ce que le folklore a bien fait au milieu de l'anarchisme, ou ce que l'anarchisme peut avoir de rapport avec le folklore. Eh bien, il faut tenir compte d'une chose, c'est que le folklore est composé de... est devenu un terme, folklore, autrement dit, science du peuple, qu'il faut distinguer de l'ethnologie. L'ethnologie peut embrasser le folklore, comme le folklore peut embrasser l'ethnologie, mais attention, dans une certaine mesure, l'ethnologie peut avoir sa part, sa participation au folklore, comme le folklore peut avoir sa participation à l'ethnologie. Mais ce sont deux choses absolument différentes. L'ethnologie, au fond, c'est quoi? C'est l'étude du comportement des individus dans une société organisée, ou plus ou moins bien, etc. Et le folklore, c'est le reflet de ce que toute l'évolution de l'être humain a pu constituer depuis des âges immémoriaux, certainement depuis le moment où l'être humain a pris conscience de son état. Hein? Alors, vous voyez jusqu'où ça amène. Hein? Bon, les êtres humains ont pris conscience de leur état, ce qui a entraîné chez eux pas mal de réflexions, pas mal de phénomènes. D'abord, il y a eu, avec cette prise de conscience, le constat des phénomènes de la nature, les phénomènes de la nature qui étaient nombreux, on ne va pas ici essayer d'en faire une liste, et les tentatives d'organisation du couple ou du clan ou de la tribu ou de la société, etc. Les découvertes que l'être humain a pu faire au cours des siècles, etc. Tout cela a laissé des traces et font partie intégrante de ce que l'on appelle le folklore. Si vous voulez, nous pouvons un peu parodier une expression que l'on a attribuée à divers personnages et suivant laquelle la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Eh bien, le folklore, c'est ce qui reste lorsque les civilisations sont passées. Voilà, voilà un peu ma définition du folklore. Or, il est évident que l'être humain va être frappé par des quantités de phénomènes. Il va être frappé, entre autres, par le cycle lunaire, le cycle solaire, mais le cycle lunaire va avoir une importance considérable et va être à l'origine de ce que l'on appelle le calendrier, qui est encore une institution qui a subi des quantités de transformations, et au travers du calendrier, que nous le voulions ou non, nous vivons un folklore quotidien, sans nous en rendre compte. Hein. Là, dans le bouquin, j'ai exposé tout ça, faisons-en un résumé. Le cycle lunaire est basé sur l'apparition d'un petit croissant de lune, ce que l'on appelle la néoménie, néo-nouvelle, et ménie, de méné, un terme grec qui signifie les lunes, autrement dit, nouvelle lune, néo-ménie. Bon. Ce petit croissant, cet infime croissant, va croître, hein, ça va se développer pour arriver à la pleine lune, et puis va ensuite diminuer progressivement jusqu'à disparaître. Et ce cycle lunaire, tout au moins la partie visible de la Lune va s'échelonner sur une période d'environ 28 jours et demi. Donc, On va prendre comme un point de repère la néoménie, c'est-à-dire l'infime croissant de ville, parvenir à un certain développement qui montre la moitié de la Lune, une première période, deuxième période, la pleine Lune, troisième période, une autre moitié, mais un sens inverse, et puis disparition de la Lune pendant à peu près 3 nuits. Et la semaine va être établie sur ces périodes-là, hein, de néoménie au premier quartier, pleine lune, second quartier et disparition de la lune. Et semaine vient de Méné aussi, vient de lune. Hein. Et on a comme le mois aussi vient de Méné. On a voulu transformer un peu la signification de moi en mince, c'est-à-dire en mesure, mais à l'origine c'est toujours moi, mené ou semaine, c'est-à-dire le cycle lunaire. Vous voyez, seulement on s'est aperçu d'une chose, c'est que le cycle lunaire et le cycle solaire sont absolument inconsciables. Alors, on est arrivé à certaines conventions, hein, il y en aura d'autres de conventions, à certaines des conventions pour. Bonsoir Gilbert. On est arrivé à certaines conventions de manière à pouvoir à peu près équilibrer le cycle lunaire et le cycle solaire. Seulement, à côté de ça, on s'est aperçu d'une chose, c'est que si le cycle lunaire a une importance, le cycle solaire aussi en a une importance. C'est que le cycle solaire va nous apporter tout un pouvoir de générateur par la chaleur, par la lumière, etc. Et ce pouvoir générateur va croître en fonction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Pour les anciens, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, bon, et nous en subissons encore les conséquences. Et ce pouvoir générateur va croître à partir d'un certain moment, puis décroître et se renouveler, etc. Il se renouvelle constamment. Donc, ce pouvoir générateur, ce ferment de vie, nous est apporté par le Soleil. Et, alors, il y a tout de même l'établissement de. Avec le cycle lunaire et le cycle solaire, l'établissement d'un ensemble de mouvements qui s'interpénètrent, et c'est quelque chose d'extraordinaire. En ce qui concerne, je reviens un peu au cycle lunaire, qui a énormément d'importance, parce que au début, par exemple, à une certaine époque, le cycle lunaire était constitué de 10 mois. Hein? Et nous en avons encore des traces avec septembre, octobre, novembre, décembre. 7, 8, 9 et 10, qui sont mal à leur place. Septembre, qui veut dire 7, devient le 9e mois. Octobre, qui veut dire 8, devient le 10e. Novembre, qui veut dire 9, devient le 11e. Et décembre, qui veut dire 10, devient le 10e. Tout cela à la suite de certaines transformations. J'ai essayé d'expliquer là-dedans. Mais revenons un peu aux histoires du Soleil. Hein. C'est que le Soleil est dispensateur d'énergie créatrice, mais pour les anciens, ils se posaient un problème. Parce que, premièrement, ils s'imaginaient la Terre comme un plateau et le ciel comme une vaste voûte arrondie. Et au fond, il a fallu attendre pratiquement la découverte de l'Amérique anéantir ces thèses, ces affirmations-là. Hein. Donc, c'est relativement récent, ça remonte à peu près à 5 siècles. Et enfin, vous voyez, pendant des siècles, et qui sait combien de siècles, l'individu a vu la Terre comme un plateau entouré d'un grand océan, et le ciel comme une vaste voûte aussi. Seulement, le soleil apparaît chaque jour à une extrémité de la Terre, entame son périple, monte le long de cette voûte et redescend. Bon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il disparaît, qu'est-ce qu'il va faire? Avant de réapparaître, personne n'en sait rien. Seulement, on regarde autre chose. C'est que, quand le soleil a disparu, la voûte laisse apparaître des points lumineux. Donc, cette voûte est percée d'une infinité de petits trous. Et au-dessus de cette voûte, il y a donc une lumière constante. Une lumière constante, donc, qui doit être aussi une source d'énergie. Donc, le soleil, au fond, n'est qu'un substitut de cette puissance créatrice, de cette puissance génératrice qui est au-dessus. Hein? Et pendant des siècles, on va établir là-dessus des quantités d'hypothèses, etc. Et cette puissance génératrice, c'est bien beau, elle se manifeste. Elle vient de où? D'une lumière, d'une force rayonnante qui est quelque part en haut, très très très loin, etc. Donc, cette source de lumière et d'énergie va provoquer la constitution de quelque chose qu'on va appeler le sperma, hein, et quelque chose d'invisible, etc. Et cet invisible va traverser les couches successives depuis la grande voûte céleste pour descendre et au fond, en traversant ces couches successives, il va s'incorporer à des particules, etc., qui vont constituer la matière. Alors, vous voyez, il y a, si vous voulez, une origine commune pour tout ce qui vit, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux ou que ce soit des plantes. Seulement, ce qui distingue tout cela, c'est les différences de particules, d'associations de particules, etc. Parce que de nos jours, nous nous demandons encore d'où vient cette énergie qui anime tout. Personne n'en a jamais su, n'a apporté de fin mot à tout ça. Encore une fois, on a émis des quantités d'hypothèses, on a échafaudé des quantités de théories, des quantités de religions sont nées de tout ça, mais personne n'a percé le mystère. Alors, il y a donc deux mystères. Le mystère de l'énergie créatrice, d'où provient-elle? Et le mystère de la matière, qu'est-ce que la matière au fond? Personne n'en a su. On constate des effets, on constate la réalité de la matière, mais on ne sait pas ce que c'est. Et il y a encore autre chose de beaucoup plus formidable, c'est que cette énergie va s'incorporer à la matière, donc la matière va servir de support à l'énergie pour pouvoir se manifester. Hein? Et pour pouvoir former soit les plantes, soit les animaux, soit les êtres humains, etc. Mais comment cette énergie s'intègre-t-elle à la matière qui va lui servir de support? Là aussi, mystère le plus absolu. Autre chose, nous avons donc un principe, si vous voulez, un principe actif. Mais ce principe actif, cette énergie qui est un principe actif de base, mais cette énergie va se répartir en des quantités d'énergie différentes. Regardez un peu, quand on prend par exemple une graine, une cellule première, là je sais que je ferai bondir certaines personnes en me disant qu'une graine c'est un ensemble de cellules, bon, je veux bien. Mais enfin, restons au moins sur cette petite démonstration, une graine qui est une cellule première. Mais regardez un peu tout ce qui est programmé dans une graine, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si nous appliquons ce principe à la cellule animale ou à la cellule humaine, dans la mesure où la cellule humaine peut se distinguer d'une cellule animale, qu'est-ce qu'une cellule humaine? C'est vraiment un infiniment petit. Et cette cellule humaine va être animée par une énergie aussi. Mais regardez un peu, quand on observe bien un corps humain, l'ensemble d'énergies qui vont se déployer à l'intérieur d'un corps humain, comme l'ensemble d'énergie qui va se déployer à l'intérieur d'un corps animal ou d'un corps végétal. c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais les anciens étaient très attachés, beaucoup plus attachés que nous ne le sommes, et au fond, ils observaient la nature, ils s'estimaient dépendants de la nature, et à ce titre-là, ils nous ont légué des quantités d'hypothèses, des quantités de théories, dont nous sommes encore tributaires, que nous le voulions là. Et c'est là-dessus que nous pourrions voir les rapports qu'il peut y avoir entre le folklore. Je parle du folklore et je ne parle pas du folklorisme, hein, parce qu'il y a une distinction à faire, hein, entre le folklore dans ce qu'il représente de fondamental et le folklorisme qui sont les petites évolutions de gambillets, etc., ou des petites amusettes. Quoique je dis gambillets, et c'est un peu un sacrilège, parce que et au travers du folklore, nous avons quand même des danses qui, la danse est un moyen d'expression, et des danses qui tout de même ont eu une signification toujours en rapport avec le mystère de la nature et avec l'association de l'être humain et de la nature. Alors vous voyez, nous avons donc des quantités de conventions comme ça sur lesquelles nous pourrions discuter longuement, et le débat pourrait être ouvert à condition que vous posiez aussi certaines questions, etc. Et j'attire aussi votre attention sur une chose. J'ai parlé de conventions, par exemple, en ce qui concerne le calendrier. Vaguement, je parle de conventions en général, mais il y a une autre convention sur laquelle nous pourrions un peu insister. C'est la convention du moyen d'échange que l'on a appelé la monnaie. Regardez un peu. Intrinsèquement que représente un morceau de métal et intrinsèquement que représente un morceau de papier. Pas grand chose. Il y a donc une garantie. Hein? Eh bien, cette garantie, elle remonte à quoi? Au souvenir de l'existence d'une volonté suprême qui garantissait, au fond, un moyen d'échange que l'on a appelé par la suite la monnaie. Donc il y a eu une sacralisation de la monnaie. Hein? Petit à petit, tout ça s'est transformé, et bon, on a accordé à une pièce une certaine valeur ou des valeurs échelonnées, etc. Mais à l'origine, là, par exemple, à l'origine, il y a eu le troc comme moyen d'échange. Hein. Ça a été pratiquement le premier type de moyen d'échange. Puis, il y a eu une évolution, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec le troc, ben, il pouvait y avoir quand même des différences de valeur. Alors, on a pu utiliser différents moyens pour établir une correspondance de valeur. On a pu prendre, par exemple, des morceaux de cuir. Hein, des morceaux de cuir d'une certaine forme ou d'une certaine surface. Et comme moyen d'échange, eh bien, on donnait un ou plusieurs morceaux de cuir en fonction de l'objet échangé. Hein. Mais il y a autre chose, c'est que cette monnaie qui petit à petit, ce moyen de change qui petit à petit est devenu monnaie, a une forme ronde. Et là, je m'étais promis, mais je les ai oubliés, c'est important. Et cette forme ronde représentait symboliquement le ciel, c'est-à-dire le séjour de la divinité qui sacralisait et qui était une garantie dans le moyen d'échange. Me suivez, hein? Et l'on a vu aussi des pièces de monnaie. Et j'en ai deux qui datent du 18e siècle, de la pièce chinoise, un rond avec au milieu un trou carré, association du ciel et de la terre. Et nous avons eu encore sous la 3e République une pièce de 25 centimes, un rond, et dans ce rond, il y avait une partie cannelée en carré. Et on a conservé encore quand même plus ou moins ce souvenir de la sacralisation de la monnaie, parce que cette monnaie, ce moyen d'échange, avait la forme du ciel, d'un séjour de la divinité, séjour de tout ce qui existe, de tout ce qui est de cette source de vie, etc. Et je vous dirais que le livre apparu, et peu de temps après, nous recevons, sommes abonnés à une revue qui s'intitule Connaissance de religion, nous recevons un numéro spécial, dont un, entre autres, à un passage que je tiens à vous lire. Les mesures et les monnaies jouaient un rôle considérable et sacré dans toutes les sociétés inspirées de la tradition ésotérique. Dans l'Occident antique, puis médiéval, ou de l'autre côté, dans les civilisations de l'Extrême-Orient, les mesures étaient en effet rattachées à l'ordre cosmique, c'est-à-dire céleste. On pourrait prendre comme exemple les pièces trouées chinoises dont je vous parlais, j'en ai deux exemplaires, rondes à l'extérieur et carrées à l'intérieur, qui symbolisaient l'union du ciel et de la terre. Ou bien, pour rappeler tout simplement les célèbres notions d'or et d'argent, l'or qui est solaire symbolise la stabilité, la puissance financière thésaurisée, utilisée dans les grandes occasions. La notion d'argent, contraire, qui est symbole lunaire, s'applique aux opérations d'usage courant et au maniement populaire. On pourrait aussi parler des multiples symboles ésotériques des religieux, notamment des signes zodiacaux durant les temps antiques, ainsi que des devises qui figurent sur les monnaies anciennes. Mais laissons ici la parole à René Guénon, qui, dans son célèbre ouvrage « Le règne de la quantité et les signes des temps », lui consacre un chapitre, plus exactement, consacre un chapitre à la dégénérescence de la monnaie. Alors là, il cite René Guénon, « Le contrôle de l'autorité spirituelle sur la monnaie, sous quelque forme qu'il se soit exercé, n'est d'ailleurs pas un fait limité exclusivement à l'Antiquité, et sans sortir du monde occidental, il y a bien des indices qui montrent qu'il y a dû s'y perpétuer jusque vers la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire tant que ce monde a possédé une civilisation traditionnelle. On ne pourrait en effet s'expliquer autrement que certains souverains, à cette époque, aient été accusés d'avoir altéré les monnaies. Si les contemporains leur empire un crime, il faut conclure de là qu'ils n'avaient pas la libre disposition du titre de la monnaie et que, en la changeant de leur propre initiative, ils dépassaient les droits reconnus au pouvoir temporel. Se reportant à son ouvrage Autorité spirituelle et pouvoir temporel, Guénon ajoutait dans une note, nous nous sommes référés plus spécialement au cas de Philippe le Bel et nous avons suggéré la possibilité d'un rapport assez étroit entre la destruction de l'ordre des Templiers et l'altération des monnaies, ce qui se comprendrait sans peine si l'on admettait, comme au moins très vraisemblable, que l'ordre du Temple avait alors, entre autres fonctions, celle d'exercer le contrôle spirituel dans ce domaine. Nous n'y insisterons pas davantage, mais nous rappellerons que c'est précisément à ce moment que nous estimons pouvoir faire remonter les débuts de la déviation moderne proprement dite. Alors, notons, par altérer les monnaies, il faut certainement entendre l'abandon de la sacralisation et non pas seulement la diminution de la valeur réelle de la monnaie. Alors, il y a autre chose, c'est que si vous remarquez, les monnaies, non seulement les monnaies antiques, nous pouvons encore avoir à main ou regarder dans une vitrine, porte une effigie. Cette effigie est quand même symbolique, parce que, ou elle représente un personnage, un roi, ou un personnage divin, ou encore un animal, ou même un végétal. Tout ça, toujours, issu de la source inconnue, créatrice. Vous voyez jusqu'où ça va, ça. Alors maintenant, nous voyons donc déjà les rapports qu'il peut y avoir entre le folklore et l'anarchisme, ou entre l'anarchisme et le folklore, dont nous vivons dans un monde de conventions, absolument. Il y en a d'autres de conventions en ce qui concerne les religions, et évidemment, ici, c'est la religion chrétienne qui domine. Eh bien, chose curieuse, quand on parle de christianisme, on peut se poser des questions. Et là, je vous assure que je donne des références bibliques, tout le monde peut le constater, tout le monde peut le contrôler. Christianisme vient de vous. On nous dit par exemple que Jésus-Christ, est le Christ, est l'Oui et le Messie. Ce sont trois mots qui veulent dire la même chose. Oui, c'est-à-dire, il y a une question d'onction. Or, l'onction, c'est encore une institution qui se perd dans la nuit des temps. Et parce que, si vous voulez, l'huile est le fruit, est produite par un fruit qui a été mûri par le soleil, donc vous voyez encore un dispensateur d'énergie. L'huile a la couleur du soleil, la couleur solaire, donc elle a encore une quantité de symboles. Et cette onction se faisait surtout sur des pierres. Parce qu'on se pose pas mal de questions, d'où vient l'être humain, hein? Je vous disais, il y a eu des principes, ce fameux sperma créateur va descendre, va s'incorporer à des quantités d'éléments divers, etc. Mais on s'est posé pas mal de questions aussi, et il y a eu là aussi des hypothèses. Comment l'être humain a été créé? Comment les premiers animaux ont été créés? Comment les plantes ont été créées? Personne n'en sait rien. Tout cela est apparu sans que l'on sache comment. Évidemment, il y a la transmission de la vie, que ce soit dans un règne ou dans un autre, par la conjonction de deux éléments mâles et femelles, hein, que ce soit sperme, que ce soit ovule ou que ce soit les gamètes, etc. Et il y a donc complémentarité entre deux éléments nécessaires pour perpétuer la vie. Et là aussi, nous retrouvons le mystère de cette puissance qui va s'incorporer à la matière, etc. Bon, vous voyez, c'est où ça nous amène. Mais la formation de tout ça, et surtout de l'être humain, eh bien, on l'a attribué tantôt à une plante, tantôt à un animal, tantôt à un rocher. Tout ça, vous verrez, je donne un petit aperçu par ce moment-là. Et la pierre va avoir aussi énormément d'importance. Et surtout les aérolithes, ces pierres qui descendent du ciel. Donc, elles sont porteuses de messages de la divinité. Hein? Et on va oindre ces pierres avec cette huile qui représente aussi un symbole de cette divinité. L'onction va donc avoir toute une valeur de sacralisation au cours des siècles. Quelqu'un ? Ça sonnait, c'est pour ça que... Oui, ah bon, j'en parlais. Vas-y. Bon. Ah, bonsoir Jean-Pierre. Voilà. C'est tout seul ? Oui, je suis tout seul. Bon, merci, tu es là. Ça arrive un peu tard, mais ça fait rien. Donc, vous voyez cet ensemble de sacralisation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette sacralisation va se perpétuer au cours des siècles. Et nous arrivons donc à Jésus, qui est à la fois loin, le Messie et le Christ. Or, oui, en hébreu, c'est dit Messie, d'où l'on a fait Messie. Et en grec, il se dit Christos, dont on s'en a fait Christ. Trois mots pour désigner la même chose. Alors, vous voyez, tout ce que cela peut apporter, encore une fois, sur quelle convention, dans quelle convention nous vivons. Même au point de vue religieux. Hein? Là, je vous parle du christianisme, mais avec, il faudrait voir un peu tout ce qui se rattache à certaines religions. Là, j'ai évoqué aussi le mitraïsme ou le mitracisme. J'ai, j'ai évoqué un peu les gnostiques, etc. D'ailleurs, nous allons un peu y revenir. Or, il y a une chose curieuse. Si l'on se rapporte à différents éléments de la Bible, on voit un peu que Jésus, au fond, a raflé sur son nom, ou d'autres ont raflé sur son nom, tout ce que des personnages qui se sont échelonnés à travers des siècles, tout ce que certains personnages ont pu recéler au point de vue valeur temporelle ou valeur spirituelle, etc. Et lui, il va tout rafler. Mais il y a une chose assez étonnante, et là, c'est la généalogie de Jésus. Mais figurez-vous qu'il y en a deux de généalogie et qui ne concordent pas. Elles concordent dans une certaine mesure, c'est que, au fond, Jésus provient, est le descendant d'un monsieur qui s'appelait David, le roi David, qui a eu des quantités de maîtresses, et des quantités de concubines, et des quantités d'épouses légitimes. Alors vous voyez donc la pureté de l'assemblage. Et il va naître, au fond, il va y avoir certains personnages, dont Salomon, qui est le fruit d'une concubine dont David a fait assassiner le mari, qui s'appelait Uri. Et Jésus va descendre en droite ligne de ce Salomon. Donc, il descend, si vous voulez, d'un bâtard, qui était le fils d'un assassin. Je n'ai pas rien. C'est pas moi qui l'invente rien. C'est comme ça. Il y a une autre généalogie qui le fait descendre dans l'autre bâtard. Alors vous voyez donc la pureté de ce que peut exprimer Jésus. Alors, donc, christianisme qui vient d'une histoire de sacre d'une pierre, d'une sacralisation d'une pierre et d'une sacralisation de l'huile, de l'onction, etc. Et d'autre part, ce pauvre Jésus, je vous dis, il est le résultat de quoi? Peut-être que ça passe bien là-dessus, mais ça permet d'un peu rigoler. Ce qui ne veut pas dire que le christianisme en lui-même, là évidemment, il faudrait pouvoir, moi, ce qu'il représente, et on peut quand même en esquisser un mot, lui aussi, c'est le résultat de tout un ensemble d'observations qui se sont faites au cours de nombreux siècles. Il y a eu un rassemblement de ces observations. D'ailleurs, le Nouveau Testament est appuyé sur des citations de l'Ancien Testament, des quantités de citations de l'Ancien Testament. Il a été établi là-dessus. Mais on revient à quoi? C'est que, vous dites, la matière, qu'est-ce que c'est? On l'ignore totalement. L'énergie créatrice, qu'est-ce que c'est? D'où vient-elle? On l'ignore totalement. Mais dans l'esprit des anciens, comme dans l'esprit des religieux, à l'origine, lorsque cette énergie créatrice va être produite par quoi? Par quelle matrice universelle, etc. Cette énergie créatrice, ce sperma, est pure. Il va être entaché au fur et à mesure que la matière va se former. Donc, il faut combattre les effets nocifs de la matière pour arriver à la pureté, pour rétablir la pureté originelle. Et au fond, c'est la base de pas mal de religions, de ce que l'on appelle les religions révélées, sur laquelle on va dire quelques mots, c'est-à-dire combattre les effets nocifs de la matière pour rétablir l'esprit dans sa pureté. Alors en ce qui concerne les religions révélées, là aussi il y a un mystère, c'est que comment l'être humain sortant de son animalité, parce qu'au fond nous ne sommes que des animaux au début, c'est connu comme un animal, l'être humain, sortant de sa spiritualité, de son animalité, a-t-il eu conscience de ce qui le distinguait des autres animaux, de cette révélation qui possédait un pouvoir supérieur aux autres animaux. Voilà ce que l'on appelle la religion révélée. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Là aussi, il y aurait beaucoup de notions à dire. Alors vous voyez, quand je vous dis au fond que entre anarchisme et folklore, il n'y a pas beaucoup de différence. Que recherche au fond l'anarchisme ? C'est se débarrasser de certaines influences néfastes. C'est se débarrasser de tout ce qui, au fond, est contraignant. Pour arriver à quoi ? Pour arriver à posséder une vision nette, d'abord de son être, et aussi de la société qui l'entoure, c'est-à-dire la société des individus. Voilà, en gros, un petit développement. Maintenant, je crois que si nous pouvons ouvrir le débat, encore une fois, je ne regrette qu'une chose, c'est que très peu de camarades aient pris connaissance de ce livre. Le camarade me disait tout à l'heure, je l'ai lu une fois, il faudrait que je le relise parce qu'il y a beaucoup à apprendre, beaucoup à relever là-dedans. C'est alors, ça nous permettrait d'élargir le débat et de voir un peu les relations qu'il peut y avoir entre le folklore, mais le folklore en tant que science humaine, pas de petites rigolades de remuer les guibolles, etc. Voilà. Celle-là de rigolade, en fait, elle s'est entretenue, perpétuée, financée, etc., par des gens qui sont plutôt les défenseurs de la tradition, dans ce cas-là, de s'être asséché, de plus figé, de plus réactionnaire. Attends, je n'ai pas suivi ta question. Je dis que la perception qu'on a de ce que tu appelles le folklorisme, oui, c'est un mouvement qui est entretenu, soutenu, perpétué par des gens qui, en général, dans leur majorité, sont plutôt des défenseurs de ce qu'ils appellent eux la tradition, mais cette tradition étant quelque chose de très figé. Ce n'est pas quelque chose de très figé. C'est quelque chose dont on a perdu la notion. Parce que j'ai eu posé souvent la question, qu'est-ce que la tradition ? La tradition, mais puis parce qu'on continue à fêter, on continue à faire la Noël, on continue à faire le Pâques, on fait ceci, on fait cela. D'accord ? Mais tradition vient de transmettre. Et on transmet quoi ? On transmet justement ces mystères qui sont à la base de tout. Le mystère des origines, le mystère du devenir, et aussi ce que l'on transmet, c'est le lien qui existe entre la nature, entre les forces cosmiques et l'être humain. Parce qu'il y a un lien constant, un lien que nous avons, dont nous nous rendons plus compte maintenant. Les anciens étaient beaucoup plus proches de la nature que nous le sommes. Et tout cela a été déformé par des abandons. Il y a eu l'abandon de la sacralisation de la monnaie, mais il y a eu l'abandon de la sacralisation et l'abandon de bien d'autres choses. Et cet abandon s'est fait au profit de gens qui ne comprennent rien ou des gens qui avaient intérêt à éviter qu'on comprenne trop. Voilà. Alors, vous voyez encore tout ce que l'on peut tirer du folklore, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Est-ce qu'il y aurait... Alors, ce que tu appelles folklore, c'est très large. Je dis que le folklore est la véritable histoire de l'humanité. Les croyances, les sciences, la connaissance. Absolument. Tout ce qui s'est enchaîné progressivement. Tout est convention, tout est hasard, parce qu'on ne connaît pas l'origine. Hasard, l'origine, non. C'est le hasard. Appelons-le hasard, si on ne connaît pas l'origine. Oui, on ne connaît pas l'origine. Tout a été bâti. Tu me diras si je me trompe. Hasard, convention par rapport au hasard. Oui. Et après, on est passé, on a oublié tout ça, et on est passé aux lois. on impose quelque chose en ayant oublié que tout est issu du hasard. Ouais, ouais, et là, ce sont des contraintes. On est incapable de dire pourquoi et comment, oui. Ça on l'évacue et on impose quelque chose comme si c'était de faire, comme s'il y avait un droit, une divinité, religieuse ou autre. On impose quelque chose à l'homme qui est contre nature. Ah, absolument, absolument. Exemple, absolument. La notion de nature aussi, on pourrait aussi en parler. Voilà. Ça aussi, parce que la nature en tant que divinité aussi, c'est retombé encore dans le même piège. C'est comme oui, mais de toute façon, si on ignore, divinité, il faut bien donner un nom à ce qui est invisible, à ce qui existe, qui ne se voit pas et qui existe pourtant. Alors, d'ailleurs, on a donné le nom de Dieu enfin, à ce qui est à ce qui est invisible et qui existe. Et Dieu vient d'un terme qui veut dire brillant. Donc, c'est toujours des histoires de lumière et des histoires d'énergie, quoi. Alors là, folklore au quotidien, je parlais du calendrier, mais il y en a un autre de folklore au quotidien. Et, par exemple, avec les personnes religieuses, bon, Dieu est dans le ciel, mais le ciel, qu'est-ce que c'est? Le ciel n'existe pas scientifiquement. Le ciel, c'était, pour les anciens, c'était cette espèce de voûte. Mais pour nous, le ciel où il est, quand on sait que la Terre est ronde et qu'elle se met dans l'espace, le ciel où il est au-dessus de nous, il est sur les côtés, il est dans nos pieds, il est sous nos pieds. On n'a pas changé de représentation, hein, c'est plus toi, mais c'est... Il y a encore des survivances, quoi. Encore, il y a des tas de conventions. Finalement, ce que l'on appelle maintenant dans le christianisme, par exemple, ou dans les religions actuelles, ce que l'on appelle Dieu, c'est ce qui a remplacé les multiples divinités qui avant étaient le vent, etc. Hein? Au fond, avant, les gens ne connaissaient pas du tout comment se faisaient les orages, donc tout ça, c'était des dieux, c'était des divinités, il y avait des dieux. À partir du moment où ils ont commencé à comprendre comment ça se fabriquait un peu, comment ça se faisait, ils ont reporté, parce qu'il y a quand même une limite qui ne se barre, alors ils ont reporté sur une unique divinité, en fait, de tout faire. Attention, tu fais bien, je vois que tu as soulevé le problème, et justement, c'est très intéressant. Parce que, à l'origine, évidemment, toutes les manifestations de la nature dépendaient de la volonté d'un être, du pouvoir d'un être. Puis on s'est dit, mais non, au fond, d'être, il n'y en a que. Mais ce qu'il y a eu aussi, et voilà, il y a eu la très grande évolution, à partir du moment où l'on a on est allé au-delà de la force aide-moi un peu plus haut de la force dynamique. Ce que l'on a surtout célébré pendant des siècles et des siècles, c'est la force dynamique. Alors, il pourrait y avoir un dieu, une énergie à l'origine, qui répartissait ses pouvoirs sur des sous-dieux, etc. Des substituts, quoi, etc. Ce qui fait qu'on a vu l'éclosion, la naissance de quantités de dieux dans des quantités de religions, telle fonction était attribuée dans tel phénomène de la nature, telle fonction était attribuée à un dieu, d'autres fonctions étaient attribuées à d'autres, etc. Mais il y avait quand même un dieu suprême. Et là, on s'est posé aussi la question, ce dieu suprême, comment est-il? Quand on voit par exemple que pour perpétuer la vie, il faut la complémentarité d'un élément mâle et d'un élément femelle. Cet être suprême, qu'est-ce qu'il est? Il est androgyne, il est mâle ou il est femelle? Là aussi, le mystère demeure entier. Mais on s'est posé des quantités de questions. Et il y a donc aussi ce mystère de la création qui provient au fond d'une matrice universelle, d'une vierge universelle, une vierge qui elle enfante justement ce sperma qui est pur et qui va aussi être dévoyé progressivement en entrant dans la matière, ce qui nous explique l'origine des vierges mères. Et la mère de Jésus est une vierge mère. Il ne faut pas oublier que d'ailleurs, la mère était une cathique, déjà cité quelques-unes. Mais revenons à la force dynamique qui a été célébrée. Et puis, petit à petit, il y a eu une évolution dans la pensée. Et on a dit, oui, mais cette force dynamique, c'est bien. Mais au-dessus de cette force dynamique, il y a cette autre force spirituelle, cette intelligence, la conscience, l'âme, l'intelligence, la conscience, qui sont l'apanage de l'être humain, la possibilité de s'expliquer, la possibilité de mieux percevoir et de faire état des perceptions. Donc il y a cette force spirituelle qui était avant, qui a existé avant la force dynamique. Là, il y a eu une évolution considérable dans le domaine religieux. Est-ce que tu crois que la connaissance de tout ce qui fait ce folklore, c'est-à-dire l'ensemble des réponses que les humains ont apportées à des époques diverses aux problèmes de la vie de tous les jours, est-ce que tu crois que la connaissance de toutes ces réponses, leur enchaînement, leur transformation, etc., peut nous prévenir individuellement de tomber dans notre croyance? Attention, il pouvait devenir chrétien, mais en remontant au christianisme d'origine, au christianisme politique, et non pas au christianisme de l'Église actuelle, de cette institution que vous appelez par l'Église, parce que, alors là, il y a non rien à dire, parce que là, alors, tu parles de dévoiement aussi, etc. Bon. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de certaines personnes comme Marozzi, qui pendant des décennies, a fait des faits de pape. Une famille extrêmement puissante qui a fait des premiers papes et qui a eu même dans sa famille un pape qui a été pape, il avait 16 ou 18 ans, il est mort à 25 ans, étranglé par le mari d'une de ses maîtresses. Alors là, il y aurait beaucoup à dire, seulement il y a aussi, au fond, en tout être, la recherche de la spiritualité. Et le principe, c'est de se débarrasser de l'influence néfaste de la matière pour parvenir à la spiritualité. Donc, encore une fois, si l'on veut, c'est développer les fonctions sensorielles de l'individu. D'accroître la sensibilité des fonctions sensorielles de l'individu. De manière à ce que tout cela puisse permettre aux cellules cérébrales de fonctionner d'une manière que ces cellules puissent percevoir ce qu'apportent les sens, mais par les sensations naturelles. Alors là nous pouvons effleurer un petit problème, c'est lorsque l'on parvient à cet ensemble, à toute cette concentration d'éléments sensoriels, et que l'on découvre des quantités de choses, fatalement, on se dégage de l'emprise de la matière, et à ce moment-là, il y a en nous toute une illumination qui se produit. C'est ce que, au fond, le christianisme, pendant des siècles jusqu'à Vatican II, a voulu célébrer avec le sanctuaire et l'hostie au milieu. Hein? Parce que l'hostie, et là, il faut aborder le culte du blé, parce que le blé a joué un rôle considérable. C'est que le blé a certaines vertus. Premièrement, le blé est imputrescible, se conserve indéfiniment s'il est à l'abri de l'humidité et à l'abri du rongeur. Ce qui permettait aux individus de pouvoir effectuer une distribution en fonction des réserves et en fonction de la population. Une réserve de blé qui était donc l'élément principal. Parce qu'il faut se reporter aussi à des temps qui ne sont pas tellement lointains, où les moyens de conservation que nous connaissons actuellement n'existaient pas. Hein? Il fallait à ce moment-là vivre avec des ressources naturelles de la saison, avec les ressources naturelles de l'époque. Et quelle était la ressource principale? C'était le blé. Hein? Le blé a eu une valeur considérable. Bon. Et le blé aussi a représenté le mystère de la vie. C'était le symbole du mystère de la vie, de cette vie qui va se propager continuellement. On sème une graine de blé, il en sort un ou plusieurs épis. Regardez un peu tout le travail qui s'est accompli, ce mystère de la fécondation ou de la fertilisation, ce mystère qui existe toujours. Hein. Bon. Une graine va produire, par exemple, un ou plusieurs épis. On va récupérer la plus grande partie des graines de ces épis pour la consommation, une autre partie pour la semence. Donc il y a une propagation. Il y a donc ce mystère de la vie qui est perpétué, qui était symbolisé par le blé. Alors, le blé, à la fois, symbolisait le mystère de la vie et symbolisait la lumière spirituelle, parce qu'il existe en grec un terme, pouros, qui désigne à la fois le blé et la lumière spirituelle, et la lumière. Donc, lorsque, avant Vatican II, le prêtre maniait son ostensoir, qui avait la forme d'un soleil, au centre duquel était une hostie, qui est au fond du blé, hein, eh bien, il rappelait ce pouros, c'est-à-dire à la fois le mystère de la vie, le mystère des origines, et le mystère de l'intelligence, le mystère de la lumière spirituelle. Vous voyez si ça va loin, toute cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il a entendu, c'est pour ça qu'il a entendu, c'est pour ça qu'il a entendu. Oui, ok. Comment on appelle à la brèche aussi. Il y a aussi un autre élément symbolique, voilà. C'est l'eau dans les religions. L'eau, quand tu parlais de l'huile tout à l'heure, oui. Tu parlais du thé, oui. Mais l'eau qu'on trouve totalement, il y a la purification. Il y a la purification, l'eau a toujours été à la base de purification aussi, etc. Voilà. Alors, en ce qui concerne les religions, je vous signale, entre autres, on parle de Noël. Mais Noël est fixé à l'ancienne date du solstice d'hiver. Nous avons vu, par exemple, que le soleil était dispensateur d'énergie. Hein, dispensateur peut-être un substitut de cette fameuse lumière qui était au-dessus de la voûte céleste, mais en fait ils étaient dispensateurs d'énergie. Or, nous savons que suivant les saisons, eh bien, le soleil joue un rôle plus ou moins fertilisant, plus ou moins apporte plus ou moins d'énergie, en fait, dispensateur de cette énergie. Avec le cycle solaire, vous savez que le cycle solaire est divisé en deux solstices et deux équinoxes. Solstice d'hiver, lorsque le soleil va remonter sur l'écliptique. Bon, nous n'avons pas le temps de faire toutes les démonstrations. C'est-à-dire, c'est le moment où l'énergie dispensée par le soleil va recommencer à produire. Bon. Toute cette énergie était célébrée. On attendait le retour de cette énergie. C'est pour ça que le solstice d'hiver avait énormément d'importance pour les anciens. Parce que, encore une fois, pour eux, il était question de survie, par des récoltes, par des productions, etc. C'était la fin d'un cycle, le commencement d'un cycle, et le recommencement d'un cycle, le renouveau. Et c'est pour ça qu'on fait naître des quantités de Dieu au moment de l'ancien solstice d'hiver. Et on a fait naître Jésus aussi, si toutefois il n'a jamais existé, ce dont je doute, je vous le dis en passant, ce qui ne m'empêche pas d'admirer quand même le christianisme, je vous le dis tout de suite, à beaucoup de points de vue. Bon, sur le plan historique, sur le plan philosophique, sur le plan humain, c'est différent. Donc, d'abord, on passe au problème, on passe à ce sujet. Bon. Alors, vous voyez, il y a donc cette renaissance parce que les anciens étaient attachés à cette renaissance. C'était pour eux une question de survie. Hein. Et il y a donc des quantités de dieux qui vont naître à cette époque-là. Or, au moment où le christianisme va se développer, va commencer à sortir, on peut dire, aux hommes, à prendre une certaine importance. Il y a trois religions qui vont s'affronter. Mithraïsme, gnosticisme et christianisme. On va, pour éviter des dissensions, pour éviter certainement des émeutes, des mouvements, etc., on va fixer la date de la naissance du Christ et à Noël, qui est aussi la date du renouveau de la nature, de la remontée du soleil sur l'écliptique, et la date de la naissance d'autres dieux. Et c'est comme ça que l'on trouve Jésus, qui représente l'enfant, d'après un texte biblique de l'Ancien Testament. On trouve le taureau qui représente le mithraïsme, et on trouve l'âne qui représente le gnosticisme. Les trois grandes religions de l'époque qui risquaient de s'affronter. Voyez jusqu'où ça va. Tout ça, je vous le dis, avec des citations, avec des commentaires, etc. Hein? Tu disais tout à l'heure que les anciens étaient beaucoup plus près de la nature que maintenant. Effectivement, les gens qui vivent dans les villes, ils sont complètement tout à fait perdus par rapport au phénomène naturel. Moi, il y a deux jours, je demande, de temps en temps, je pose cette question à mes élèves, à quel moment les jours commencent à grandir. Oui. Ils me disent en été. Il n'y en a pas un qui sait que les jours grandissent au solstice d'hiver. Maintenant, ils n'ont jamais remarqué. Eh oui. Ils confondent grandir et être grand. Bon, les jours sont grands en été, c'est certain, mais qu'ils commencent à grandir à la fin du mois de décembre, ça les dépasse complètement, comme je vous disais, les trois folles. Eh oui. Ils n'ont jamais remarqué. Tu dis, c'est une chose importante, c'est que le folklore actuellement, c'est peut-être ce qui... Maintenant, dans toutes les populations urbanisées, le folklore a pratiquement disparu. Les survivants, s'il y en a, tu les trouves à la campagne. Les seuls qui restent en vie, justement, c'est celles qui sont liées à la religion. Quand on fête Noël, des choses comme ça, donc pas seulement la religion. Elle ne fait que oui, bien sûr. Si j'ai bien compris, tout ce qui te semble important dans le folklore, c'est qu'à l'origine, c'est les rapports d'homme et de la nature. Après, absolument. Les rapports constants entre l'homme et la nature, entre l'être humain. Hein. Oui. De bout en bout, je dis l'être humain. Hein. J'évite l'homme. Hein. Oui, voilà. Mais c'est effectivement ce qui me semble important. Moi, j'ai l'impression qu'actuellement, le folklore a été récupéré par les passéistes, les traditionnalistes, etc. Oui, qui ont étouffé sa valeur. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu une perte de conscience de la part de certains individus. Et actuellement, je te dis, lorsque quelquefois je pose la question à des gens qui s'intéressent au folklore, même des chefs de groupe, même des encadrements de groupe, je leur dis qu'est-ce que c'est. Ça il reste bouché. Je voulais dire autre chose, toujours à propos de Noël. Bon, oui. Noël, c'est dans l'hémisphère nord, hein, c'est autour, ça gravite autour de la Palestine, de l'Italie, du sud de l'Europe, de la Méditerranée, autour de la Méditerranée. Bon, alors, à partir du moment où les religions se sont importées, en somme, dans des pays lointains, oui, et dans d'autres hémisphères, les gens qui fêtent Noël, en réalité, oui, pour eux, c'est complètement... oui. Ah oui, oui, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Mais ça, ça c'est l'aspect religieux vu par le petit bout de la lorgnette, quoi. Mais c'est détruit tout l'aspect. Voilà. Alors maintenant, il y a une chose. Vous voyez par exemple. Vous voyez par exemple. quelques mots encore à propos du solstice d'hiver. Vous voyez l'importance du solstice d'hiver. Notez que le solstice d'hiver a été déplacé. Noël est toujours fixé à l'ancien solstice d'hiver, mais en fait, le nouveau solstice d'hiver a été déplacé pour des raisons astronomiques, etc. Alors, nous avons vu l'importance du solstice d'hiver au moment où le soleil remonte sur l'écliptique, c'est-à-dire va amener encore, être encore le pouvoir d'énergie, qui est de ces énergies qui sont indispensables à la survie, etc. Logiquement, il faudrait que le début de l'année commence au solstice d'hiver. Or, il commence une semaine après. Et tout simplement parce que lorsque Jules César a voulu réformer le calendrier, s'il avait mis le début de l'année au solstice d'hiver, il aurait provoqué une véritable révolution dans le peuple, qui était encore attaché au calendrier lunaire, c'est-à-dire au moment où le petit arc de la Lune, au moment de la néoménie, commence à apparaître. Or, cette néoménie devait apparaître 8 jours plus tard ou une semaine plus tard, et c'est pour ça que Jules César a reculé la date au moment de la néoménie, c'est-à-dire en respectant encore le calendrier lunaire, ou le cycle lunaire, plus exactement. Ouais, vous voyez ? Alors, quand je vous dis que nous vivons un peu folklore journellement, sans me rendre compte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toujours le folklore, pas le folklorisme, hein, gars. Voilà. Tous les... Oui, moi, je suis très heurté par ce que tu as dit tout à l'heure. Ah. En tant que libertaire, quand tu dis que tu es admiratif sur le plan humain, moi, je ne peux pas admettre. Je ne peux pas admettre l'inquisition. Pour moi, rien n'est moins. Rien n'est pire que ça. Et c'est du christianisme, c'est inscrit dans l'histoire du christianisme. Oui, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que j'étais admirateur du christianisme. Sur le plan humain. Sur le plan humain, du christianisme d'origine, mais non pas l'admirateur de l'Église, et de ce que l'Église en a fait du christianisme. C'est différent. Ah, ouais. Là, c'est complètement différent. Donc tu l'attribues à l'Église, tu l'attribues à l'Église, quoi donc l'acquisition. Absolument. Absolument. Si j'avais été sur le plan humain, je suis choqué d'une autre manière. Tu es admiratif du christianisme sur le plan humain. Oui. Alors que, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'origine, mais cette notion de culpabilisation de l'homme, elle relève du christianisme spécifiquement. Donc si l'homme est coupable, si l'homme est abominable, je ne vois pas en quoi on peut être admiratif. Moi, je veux bien que l'homme fasse ce qu'il peut avec ce qu'il a et qu'il s'en sorte plus ou moins bien, mais pourquoi est-il coupable? Je regrette. C'est pas que le christianisme ait développé ce sentiment-là, c'est possible, mais ça ne date pas du christianisme, ça date d'avant. De notion du péché? Oui, bon, la notion du péché originel, et aussi la notion de la déviation de la pureté. Alors si on veut remonter plus haut, le christianisme est un héritier des religions précédentes. Oui. Bon, la notion de culpabilité, on la retrouve dans le judaïsme. Elle revient dans la Bible. Au-delà, parce que justement, tu vois, tout à l'heure, Gilbert a parlé du rôle de l'eau. Le rôle purificateur de l'eau. Mais oui. Il existe depuis l'éternité, on peut dire. Alors, dès l'origine, il y a une notion de culpabilité. Dès l'origine. Bon, alors là, je ne peux pas comprendre que sur le plan humain, on puisse être admiratif. Mais cette culpabilité existe tout simplement parce que, entendons-nous sur le sens de culpabilité, parce que nous avons perdu au fond cette lumière originale-là. Nous avons perdu, cette possibilité de ressentir tous les effets sensoriels de ce que nous apporte la nature. Ah, ça va loin, ce machin-là. Attends, une seconde, avant d'aller au problème, parce que là, on va entamer Là, nous avons moi, j'ai une question au préalable qui va faire la jonction entre les deux. Je ne pense pas que tu parles dans ton livre de la théorie atomiste. Non. Tu n'en parles pas. Non. Là, ça me dépasse. Je vais en parler parce que... Non. Je n'en parle pas parce que je l'ignore. On est dans le flou artistique... On ne sait toujours pas d'où vient la puissance qui est au-dessus. Oui. Il y a toujours le mystère de la vie, comme tu dis. Il y a la théorie qui vient de, je crois que c'est à partir de Démocrite et après Épicure qui a continué. Dans le même truc. Bon, oui. La théorie atomique, c'est il y a une pluie d'atomes qui tombent comme ça, qui n'ont pas de force, qui vont à travers le vide. Et puis, il y a une déviation, on l'appelle le conatus, ou etc. Il y a certains qui penchent pour une volonté de l'atome qui le fait dévier, c'est volontairement qui va dévier et qui va créer la matière. Et une autre théorie qui prône le hasard. Bon, on ne sait pas expliquer comment se font les déviations d'atomes et la création de la matière. Il n'y a pas d'explication physique pour la déviation d'un temps. Non, il n'y a toujours pas d'explication de l'origine de la vie et de la force. C'est le hasard et la vie. Alors, c'est pour dire qu'il y a deux... Il y a la théorie du Big Bang, Il y a deux théories dans cette théorie. Il y a ceux qui penchent pour la volonté. Alors là, on rejoint cette spiritualité, cette force inconnue. Qui est la volonté, et d'autres qui ne se prononcent pas et qui parlent de hasard. Le hasard, ça nous renvoie à notre ignorance. Donc, on ne va pas avancer. Mais moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que la religion, finalement, c'était la réponse, c'était la limite de l'ignorance. À partir du moment où tu ignores. Avant, on ignorait tout. Alors il y avait des tas de dieux, mais. Au fur et à mesure, ça recule, on sait un peu plus de choses, mais il y a toujours une limite où on ignore. On sait pas, alors on est quand même un dieu. Fatalement. Il ne faut pas non plus trop exagérer quand on dit avant il y avait des tas de dieux, maintenant il n'y a plus qu'un. C'est faux ça, entièrement faux. Ma mère, qui est toujours bonne catholique, mais catholique à la manière des méditerranéens, c'est-à-dire en réalité paganiste, tout à fait. Elle m'a enseigné, tout petit, que si j'avais perdu le machin, il fallait que je prenne la croix. Que si j'allais marcher sur le trottoir, c'est de la magie. Il y avait chaque secte, chaque divinité spécifique pour un truc bien particulier, et ainsi de suite. Alors que la connaissance dans la Bible, c'est pour ce que... Non, je crois qu'il existe toujours plus qu'on le croit, y compris dans nos propres comportements, quand on croit être débarrassé de toute préoccupation religieuse. Y compris, je connais quelqu'un qui est soi-disant nous sommes tous marqués par des contraintes comme ça. C'est qu'on ne sait pas. Alors là, je vais revenir encore sur le sujet. En tant qu'anarchiste, moi je constate une chose, c'est que nous sommes dans un monde sans explication. Absolument. Bon, alors, où on accepte qu'il n'y a pas d'explication valable et on l'admet tel qu'il est, et là, je me sens anarchiste, ou dès que j'accepte une explication que je souhaite d'un ordre ou d'une autre, je cesse de l'être. Pourquoi ? Parce que si une explication s'affiche, donc, on a un Dieu, donc un maître. Donc on a un maître, donc il y a une cause, donc il n'y a pas de raison de ne pas obéir. Attends, je vais. Vous disiez tout à l'heure que chaque anarchiste, c'est son anarchiste. Je vais te répondre. Toi, les anciens, je disais au début, se représentaient le ciel comme une voûte, une grande voûte percée de trous. Au-dessus de cette voûte, il y avait donc une lumière éternelle, une lumière constante, plus exactement. Mais cette lumière, ils se sont dit, mais cette lumière, au fond, comment elle a été créée ? Par une puissance encore supérieure, cette lumière, cette énergie, comment a-t-elle été créée ? Par une puissance encore supérieure. Donc ils ont fait encore un étage, un troisième ciel, inconnu, absolument. Vous allez voir où on en vient. Un troisième ciel, absolument inconnu, infranchissable dans ses limites. Une limite que l'on appelle le Stauros ou la croix. Et c'est cette limite que Jésus va franchir pour aller justement vers cette pureté originelle que personne n'a jamais atteint. C'est le supplice de la croix. Parce que en ce qui concerne le symbolisme de la croix, le symbolisme de la croix remonte bien avant le christianisme. Oui, non, mais ça, alors, c'est une religion de récupération. Elle est faite de briques et de bois qui l'ont précédée. Oui, nous sommes d'accord. Comme tout à l'heure tu disais qu'on avait mis Jésus à Noël, c'est parce que même le christianisme n'était pas arrivé à détrôner ce fameux solstice. Alors, tant qu'à ne pas pouvoir le détrôner, on le récupère, parce que Jésus n'est pas toujours né à la Noël, même dans la religion catholique. Dis le bouquet, tu verras que je donne quelques dates. Oui. Bon, alors donc quand ils n'ont pas pu détruire, ils ont récupéré. Absolument. Ça a été, comment dirais-je, un certain mouvement de souplesse de la part de la papauté. Parce qu'il ne faut pas oublier, que l'édit de Constantin date de 313 ans. Donc il y avait plus de 3 siècles déjà de christianisme qui existait. Le cheminement a été là. Ça veut dire qu'au bout de 3 siècles, l'Église n'était pas parvenue à imposer la date de naissance à Pâques, à peu près, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais comme elle n'arrivait pas à l'imposer à Pâques, elle a dit, bon, ben, c'est important, le sorti, bon, tous ces païens, tous ces paganistes, donc on va le coller à la date qui... Encore une fois, pratiquement, c'est pas l'Église qui l'a imposé, c'est tout un concours de circonstances qui a imposé cette date. L'Église l'a reconnue par la suite, mais plus tardivement encore. Oui, mais... Là, je te donne les dates. Là, je n'ai pas lu. Je vois là. Quoi? Mais je veux dire par là, c'est que l'Église a bien été. Quand elle n'a pas pu évangéliser comme elle l'a voulu, elle s'est dit bon, je vais m'adapter, et puisqu'ils ne veulent pas me suivre, je vais les précéder. Même dans l'Église actuellement, combien on trouve d'éléments qui remontent au paganisme. En fait, le paganisme sous différents aspects. Autour de la même croissance, le blé. Le blé, il y a des histoires d'animaux. Donc, quand on nous présente Jésus, par exemple, avec comme symbole de la colombe. Et on nous dit, par exemple, Jésus dit, je suis le commencement et la vie, je suis l'alpha et l'oméga. Or, la colombe, en grec, a une certaine appellation, enfin, ça m'échappe. Et si l'on prend les lettres de l'appellation grecque, chaque lettre a une valeur numérique. Or, cette valeur numérique va arriver à 801. C'est-à-dire que l'alpha est 1 et l'oméga est 800. 801, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, et c'est symbolisé par la colombe. Alors tu vois qu'on en revient encore à des histoires de paganisme et autres. Hein. C'est extraordinaire. Hein. Là, tu verras. Moi, je suis un peu désaccord avec ce que tu avais à dire à l'instant concernant les croyances, ça. Parce que ce n'est pas forcément une dynamique de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est avant tout un moment de revendication sociale pour un de ses aspects, pour le plus gros de ses aspects. Pour quelques individus, ils se poursuivent sur le plan philosophique, etc. Mais ce n'est pas obligatoire, hein. Ce n'est pas forcément inclus, ce n'est pas une nécessité de survie pour l'anarchisme. L'anarchisme, c'est le moment de revendication sociale, de critique sociale. À partir de là, il y a plein de choses qui sont permises. On ne peut pas le figer dans un... Bon, son aspect social ne découle que, de sa source philosophique. Ça, c'est pas sûr. Si tu supprimes l'aspect philosophique, et l'aspect... Oui, l'aspect philosophique vient après. Ah, ben bon, non, j'inverse la proposition. Parce que pour que... On devrait être croyant et anarchiste. Ah, si, on peut. L'autre jour, il y en avait un. Hein, Non, je ne suis pas chrétien, je suis croyant. Non, mais c'est là que c'est plus bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu une entité. Il y en a qui se donnent cette explication. Il y a des gens qui disent que je sais ce que je suis. Voilà, pourquoi? Genre, vous voyez, au fond... Il y a quand même dans l'anarchisme un principe qui dit, voilà, tout ce qu'on nous a donné comme explication jusqu'ici, nous le récusons. Nous le récusons parce que ça ne nous paraît pas admissible, au point de vue raison, et ça heurte nos sentiments... Bon, alors, à partir de là, nous n'acceptons pas ce qui en découle, puisque nous le refusons. Donc, nous n'avons pas à nous y conformer. Et si on ne s'y conforme pas, je ne vois pas en quoi on peut admirer ce qui découle des religions. Moi, je veux bien que la religion soit une explication et une source de satisfaction pour les individus. Mais au point de vue intellectuel, ça ne peut pas combler. Et malheureusement, pour moi, le destin de l'homme, c'est d'être éternellement en recherche, éternellement, bellement d'ailleurs en plus, je pense, hein, en recherche et qu'il n'y a pas de solution possible, sauf toutes les solutions que je ne peux pas admettre. Lequel est désespéré? Oui, bon, je crois que le cas est désespéré. De toute façon, le plus encore qu'il est plus désespéré, parce que de toute façon, ça n'aura pas duré longtemps, et on n'aura plus de problème à se poser. Bon, en tout cas, tu vois, il ressort une chose, hein, c'est qu'au au travers du folklore, hein, c'est ce que je n'ai cessé de dire, hein, on découvre que nous vivons dans un monde fait de conventions. Oui, d'un bout à l'autre. Hein, bon, mais au fond, si tu prends le christianisme à l'origine, hein, il s'élève aussi contre ces conventions, en se libérant de toutes les contraintes, qu'elles soient physiques, que ce soit les contraintes de la matière, que ce soit les contraintes sociales, que ce soit... C'est ce que le christianisme, donc, à l'origine, ce que le christianisme demandait. Oui. Et nous revenons un peu là à certains aspects de... Il veut se libérer des contraintes en se suicidant, quoi. On ne fait plus rien, on ne fait rien, on ne fait pas ci, on ne fait pas là, plein d'interdits. C'est se libérer des contraintes pour... Bon, il n'y a plus de contraintes, parce qu'on ne fait plus rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est se prouver. Est-ce que c'est le message? Je pourrais quand même dire, justement... L'essence, le christianisme, c'est ce qu'il contient dans son essence, que j'appelle le christianisme. On le trouve au message. Attends, moi, je voudrais dire... Mais ça, tu vas le trouver dans pas mal d'enseignements, voilà, que tu peux prendre dans la Bible, des citations de l'Ancien Testament, repris par le Nouveau Testament, où certains... Ah on arrive, je disais que les catholiques honnêtes, là, mais que d'une manière générale, et même bien involontairement, ils sont malhonnêtes, certains en pensent. Hein. Bon, mais celui-là, il est honnête. Alors il dit, l'Église a trahi le message. Mais je ne veux pas sortir de l'Église. C'est impossible. Je ne veux pas sortir de l'Église, je ne veux pas revivre l'aventure de l'année, il faut rester là. Non, c'est pas vrai. Je comprends un peu ce que vous voulez dire, Antoine, quand tu parles du côté humain. Parce que c'est vrai, bon, l'Église a totalement trahi le message, et bon, quand tu parlais de l'Inquisition, oh combien. Hein. Mais au départ, quand même, historiquement, le christianisme, c'est une révolution contre l'impérialisme roumain. Et il y avait. Quand il y a dans l'Évangile le premier sera le dernier, bon, mais ça a tout à fait à l'encontre de la déification des plus grands. Je ne comprends pas, si c'est vrai, c'est authentique. Rien ne permet de. Écoutez, il y a quand même des historiens qui commencent à parler des esclaves, qui disent les esclaves sont des hommes comme nous, etc. Bon, c'est vrai qu'ils ont commencé avant le christianisme, mais quand même les dates concordent. C'est à partir du moment où on commence à se dire qu'il n'y a pas que les grands, les puissants, les. Parce que pour moi, je suis contre l'Église, mais encore plus peut-être contre l'impérialisme romain. Je suis propre de la paix, j'ai pauvre des Romains, mais vraiment pauvre. Tu vois, c'est quelque chose de noble, l'impérialisme romain. Les chrétiens n'ont rien demandé. Les pressocratiques, il y en a qui disent que les hommes sont tous les mêmes, que les esclaves sont tous les mêmes. Le christianisme a concentré en lui des quantités d'éléments et part d'un côté. Et surtout, il y a eu une évolution du judaïsme. Il y a eu une évolution du judaïsme avec la captivité de Babylone. Il y a eu une évolution du judaïsme avec la captivité de Babylone et le christianisme est pratiquement né de cette évolution. Oui, mais c'est une religion qui a réussi, comment dire, et qui est obligée de se baser sur quelque chose de crédible pour se faire accepter. Il y a plein de choses, et ça continue. Continue à parler des pauvres, à parler des justices, à parler de tout ça, tout ce qui fait marcher. C'est, hein. Mais le fait de reconnaître que les hommes se valent tous, ça a été reconnu beaucoup avant. Moi, dans les pressocratiques, chez les sophistes, il y en a qui ont dit que esclave. C'est un homme au même titre que le maître. Et le maître qui est son messager, qui fonde des églises partout, c'est Saint-Paul. Dit Saint-Paul, tu verras, il dit à l'esclave, c'est bien, reste esclave, surtout ne frappe pas ton maître, respecte-le et machin chose. Et quand il s'adresse par extraordinaire au maître, il lui dit surtout traite bien ton esclave. Il ne lui dit pas, c'est pas bien, quand on est chrétien, d'avoir un esclave. Il ne lui dit pas ça. Et Saint-Paul, c'est 50. C'est-à-dire 20 ans après la élection, soi-disant, c'est un peu plus tard, il y a une chose. Oui, non, mais il vaut mieux supporter la ressource du christianisme. Si le christianisme est le message du christianisme. Ce que je voulais savoir, c'est toi, c'est si pour lui le christianisme, c'était quelque chose d'autre que ce qu'il est convenu d'appeler le message du Christ. Parce que ça pourrait être aussi quelque chose d'autre, élaboré 2-3 siècles avant celui qui s'est appelé Jésus, s'il a existé. Si tu m'avais dit ça, j'aurais mieux compris ta pensée. Là, il y a quelque chose que je n'arrive pas à piger. Parce que si c'est le message du Christ, ce message, personne ne sait ce qu'il était en réalité. Tu trouves exactement deux propositions contraires à quelques pages de distance. Qu'est-ce qu'il disait Jésus? Il disait, attendez, ça va arriver, le royaume des cieux va arriver. Préparez-vous, oui, non, c'est tout. Il disait rien d'autre. Ce qu'on lui fait dire, c'est précisément tout le reste. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais son message serait dû à ça, il disait... Ah, pour moi, il a symbolisé un courant de pensée. On a symbolisé surtout un courant de pensée. Il se tourne dans la zone et il dit, mais quoi, c'est pour rien. Tu posais aussi un autre problème. Tu disais, les gens qui s'intéressent au folklore en général, des choses comme ça, ils ont perdu le sens de ce qu'ils prennent mal, de ce qu'ils transmettent. Mais ça, c'est une loi naturelle. C'est une loi naturelle. Tout ce qui est organisé se développe et puis dégénère. Hélas. Forcément, c'est une loi naturelle, mais malgré tout, au travers de ce que l'on appelle la tradition, demeure un principe qui est éternel. C'est ce mystère de la vie, c'est cette attache avec la nature, etc. Et cette transmission de la vie qui est absolument incompréhensible. Oui, mais qu'on peut que constater. On constate. Mais c'est ça qui fait le lien. C'est ça qui fait la tradition. Tradition de dire encore une fois, tradition de dire 30 mètres. Et je cite un texte admirable de Blaise Pascal. Il a dévié, mais Pascal. C'est tiré. Page 36. C'est tiré du traité sur le vide de Blaise Pascal. Les premières reconnaissances que les anciens nous ont données ont servi de degré au nôtre, et dans ces avantages, nous leur sommes redevables de l'ascendant que nous avons sur eux. Parce que, s'étant élevés jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés, le moindre effort vous fait monter plus haut et avec moins de peine. N'est-ce pas traiter indignement la raison de l'homme et la mettre en parallèle avec l'instinct des animaux, puisqu'on en note la principale différence qui consiste en ce que les effets du raisonnement augmentent sans cesse au lieu que l'instinct demeure toujours dans un état égal. La nature les instruit, les animaux, à mesure que la nécessité les presse. Mais cette science fragile se perd avec les besoins qu'ils en ont. Comme ils la reçoivent sans étude, ils n'ont pas le bonheur de la conserver. Et toutes les fois qu'elle leur est donnée, elle leur est nouvelle. Il n'en est pas de même de l'homme, qui n'est produit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au premier âge de sa vie, mais il s'instruit sans cesse dans son progrès, car il tire avantage non seulement de sa propre expérience, mais encore de celle de ses prédécesseurs, parce qu'il garde toujours dans sa mémoire les connaissances qu'il s'est une fois acquises, et celles des anciens qui lui sont toujours présentes. De là vient que par une prérogative particulière, non seulement chacun des hommes s'avance de jour en jour dans les sciences, mais que tous les hommes d'ensemble y font un continuel progrès à mesure que l'univers vieillit, parce que la même chose arrive dans la succession des hommes que dans les âges différents d'un particulier, de sorte que toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considéré comme un homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Je trouve que ce texte est admirable et qui nous donne une idée de ce qu'est la tradition, de ce qu'est la transmission, non seulement la transmission de la vie, mais la transmission de la pensée, la transmission des connaissances acquises et le développement de la pensée, le développement des sciences acquises, etc. Et ça, que ça amène où ? Est-ce qu'il y a plus heureux ? Si on oublie qu'on est issu de folklore, issu de plusieurs pensées qui se sont interférées, qui ont fait qu'on arrive à... On peut être malheureux. Le bonheur, il n'est pas là-dedans. J'ai souvenir d'un exposé qui a été... Mais le malheur, il peut venir de là, de l'oubli. Par un copain qui est spécialiste des germains. De la méconnaissance, plus ou moins. Germain, vous avez expliqué que finalement, bon, à ce moment-là, il y avait des hommes libres et puis d'autres qui ne l'étaient pas. Mais d'après ce qu'il vous a expliqué, d'après les connaissances qu'on a de ces sociétés, au fond, ces gens-là, ils étaient 100 fois plus heureux que nous. Parce que les mecs qui n'étaient pas des hommes libres, ils étaient dispensés d'aller se battre contre le voisin, d'aller se casser la gueule et tout ça. Mais moi, je suis marre. D'accord, ils faisaient des tâches que les autres ne faisaient pas. Mais au moins, ils étaient tranquilles. Quand il y avait des guerres entre clans, jamais on tuait les enfants, les femmes, les vieillards, jamais. C'est au fur et à mesure que les connaissances ont progressé qu'on a appris qu'il fallait aussi tuer les femmes, les vieillards, etc. Et les jeunes enfants, parce que le jour... Mais comment peut-être le bonheur pour eux aussi? peut-être pas les mêmes valeurs qu'il y a autour. Non, mais si on est à la recherche. Le bonheur, c'est quelque chose qui est parallèle. On ne peut pas imbriquer les deux. Une vie plus heureuse, c'est un problème qui s'est posé à nous, non? Je crois que dans le passé, l'individu cherchait à être heureux dans le présent immédiat. Et non pas dans les espérances. Nous, on pourra jamais l'atteindre, c'est vachement. Moi, je voudrais savoir une chose, c'est qu'est-ce qui a amené Antoine à venir faire sa conférence ici c'est pas une conférence. Hein. Je répète que je ne suis pas un conférencier, je ne suis pas un orateur, mais je parle comme ça. Et ce qui m'a amené, c'est de poser la question à René. C'est parce qu'il connaissait mon attache au folklore, et il m'a dit, tu devrais venir un jour nous faire quelque chose. Oui, c'est normal qu'il vienne nous en parler. Je voudrais vous signaler un autre texte. Je ne sais pas de qui il est, je l'ai emprunté à une fille qui s'appelait Marie Barskarchef, et qui a écrit un journal qui est admirable. Si l'homme, après sa naissance et dans ses premiers mouvements, n'éprouvait de résistance dans le contact des choses d'alentour, il arriverait à ne pas se distinguer d'avec le monde extérieur, à croire que ce monde fait partie de lui-même, de son corps. À mesure qu'il y atteindrait de son geste ou de son pas, il arriverait à se persuader que le tout n'est qu'une dépendance et une extension de son être personnel, il dirait avec confiance, l'univers c'est moi. Là nous avons encore un exemple de l'attachement de l'homme à la nature et aussi de sa dépendance envers la nature et de tout ce que la nature peut lui apporter au point de vue sensoriel. Oui, mais c'est pas chrétien ça. Je n'ai pas dit que c'était chrétien. Non, mais je peux bien remarquer, c'est pas chrétien. Mais je n'ai pas dit que c'était chrétien. Je me sens partie de l'univers. C'est naturaliste. Si quelqu'un un jour peut nous dire de qui est cette pensée, quel est le philosophe qui a écrit ça, je lui dirai un grand merci. Marie Barskarchef fait cette citation, même philosophe, sans donner le nom du philosophe. Mais ça aussi, avec un anarchiste, c'est là que je disais, est-ce qu'on peut être croyant et anarchiste? Moi je pense pas. Et la possibilité, c'est extraordinaire quand on s'intéresse à certains sujets, d'entrer en contact avec d'autres personnes psychanalystes. Ce qui m'a permis de faire de synthèse. Alors là-bas, il y a des recherches sur...